Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce que la guerre dans l'âge transnational demande le diplomate Jean-Marie Guéhenot? Quelle paix recherchons-nous au XXIe siècle? Quel est le brouillard qui entoure l'intervention contemporaine extérieure, s'interroge-t-il encore? Quel est le vrai aléa moral à intervenir? Comment l'évolution technologique nous donne-t-elle l'illusion de la proximité? Et quels sont les dangers de l'inconstance et de l'impatience des États? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, Histoire, critique, théorie au Collège de France, nous invite à rencontrer dans le cadre de son séminaire, lié à sa série De la littérature comme sport de combat, le diplomate Jean-Marie Guéhenot, qui apporte son témoignage, notamment sur son expérience comme secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Séminaire après séminaire, nous croisons des récits de vie à la première personne qui interrogent avec la spécificité de chaque métier, l'écrivain, le reporter de guerre, aujourd'hui le diplomate, la façon d'appréhender un réel complexe, un monde confus. Dans une interview de 2011, Jean-Marie Guéhenot notait que la présence militaire des casques bleus a un impact si elle est bien gérée, que la force n'est pas une potion magique, que les conflits qui ne se règlent pas sont comme le cancer qui s'étend, et qu'un succès se mesure sur 20 ans. Par son témoignage, appuyé par son expérience de terrain, il éclaire des évolutions complexes. Il rappelle aujourd'hui, alors que la légitimité des États et la cohésion des sociétés sont remises en question, qu'on ne peut pas bâtir des institutions multinationales s'il n'y a pas de nation derrière. Il développe pour nous différents types de brouillards, ce qu'il appelle le brouillard de la guerre, le brouillard de la paix, et notamment celui qui est au cœur du mensonge de toute la communauté internationale et qui entoure la question de l'intervention extérieure. Quel est le vrai aléa moral à intervenir dans la vie des autres sans avoir à subir les conséquences de ses actes, demande-t-il. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France pour le séminaire d'Antoine Compagnon, aujourd'hui du brouillard de la guerre au brouillard de la paix, la guerre au XXIe siècle avec Jean-Marie Guéhenot. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Marie Guéhenot, que j'ai connu il y a bien longtemps lorsqu'il était conseiller culturel à New York au milieu des années 1980. Mais ce n'est pas à ce titre que j'ai voulu faire venir dans cette série sur la guerre, la paix, l'écriture de la guerre et l'écriture de la paix. C'est en raison des fonctions qu'il a occupées longtemps et des missions qu'il effectue toujours. Je voudrais d'abord rappeler que c'est un littéraire à l'origine, et je crois qu'il va en parler un peu, je l'imagine. Et il me confiait là dans les coulisses qu'il avait déposé un sujet de thèse sur Chateaubriand. Et bon, ben, peut-être que maintenant il peut écrire cette thèse ou quelque chose sur Chateaubriand. Mais comme après l'école normale supérieure, il est passé par l'ENA, il a suivi une carrière qui l'a mené à des responsabilités importantes, notamment dans les années 1980, au centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, et puis surtout dans les années 2000, comme secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Donc de 2000 à 2008, il avait ses responsabilités auprès de Kofi Annan, qui à l'époque était le secrétaire général. Et donc il a beaucoup écrit, mais surtout beaucoup œuvré dans le cadre de ses missions de l'ONU pour sauvegarder la paix. Depuis 2008, il a eu d'autres responsabilités. Jusqu'à une date récente, jusqu'au 31 décembre, il était président directeur général de l'International Crisis Group, mais il vient de me dire que c'est terminé depuis donc 30 jours. Et bien sûr, il a beaucoup d'autres missions aujourd'hui qui lui sont encore confiées par l'ONU. Bon, je suis donc très heureux de l'accueillir. Il a une grande expérience de ce qu'il a appelé dans le titre qu'il nous a donné pour aujourd'hui, du brouillard de la guerre au brouillard de la paix, la guerre au XXIe siècle. Et vous avez donc la parole pour commencer. Merci, je suis très, très honoré de parler ici au Collège de France à votre séminaire. J'ai souvent pensé à la division tripartite que faisait votre illustre confrère du Mésil entre le prêtre, le guerrier et puis l'homme de commerce. Enfin, en pensant que si on l'élargissait, au fond, ça définit bien les trois ambitions qu'on peut avoir dans une vie, celle de penser, de créer, de réfléchir, celle d'être un homme de pouvoir ou celle d'être un homme qui fabrique et qui vend. Et moi, j'ai oscillé entre les deux premières. J'avais un père qui a été un homme de pensée, mais dont la pensée était nourrie par une expérience personnelle très forte de la misère d'abord, et puis de la guerre, la Première Guerre mondiale ensuite. Moi, je suis né avec, si je puis dire, une cuillère d'argent, enfin au sens intellectuel, dans la bouche. Mais donc, je n'avais pas la possibilité, j'avais le sentiment qu'il fallait ouvrir un peu les fenêtres, en quelque sorte, et sortir d'un milieu purement intellectuel pour me frotter un peu à la réalité d'un monde brutal, sortir de la conversation avec les anciens, dont parle Machiavel, pour avoir un peu l'oxygène de l'action. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai voulu être un peu prêtre et un peu guerrier. Et un guerrier de la paix. Même Guéhenno, il paraît que l'étymologie veut dire guerrier. Il était en vieux viking, d'après ce qu'on m'a dit. J'ai donc cherché, un peu naïvement, la possibilité de changer le monde par l'action, à défaut de le changer par les idées. Et vous avez rappelé mon expérience à la tête du Centre d'analyse et de prévision. J'y suis arrivé en 1989, quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Ma première mission, ça a été d'aller voir Lech Walesa à Gdansk. Et quand je repense à cette période, à la recomposition qui a eu lieu avec l'effondrement de l'URSS, je crois que c'est la grande occasion manquée, au fond, de la génération à laquelle j'appartiens. C'est-à-dire que nous avons fait tout à moitié, la réforme des institutions européennes, la réconciliation avec la Russie, le règlement de la question de Palestine, et aujourd'hui nous payons pour cet inachèvement au fond des années 90. Et j'ai eu une seconde. À l'époque, j'ai senti un peu le triomphalisme vaniteux de l'après-guerre froide, qui me semblait malvenu. C'est pour ça que j'ai publié un petit bouquin à l'époque, c'est avec un titre un peu provocateur qu'on peut en avoir quand on est encore jeune. Il s'appelait « La fin de la démocratie », en me disant comment je passerais par les idées si je n'avais pas pu vraiment changer les choses sur le plan politique. Puis j'ai eu une seconde chance qui s'est présentée à moi quelques années plus tard, en 2000, quand Kofi Annan m'a effectivement demandé de diriger les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Et je suis arrivé à un moment crucial pour l'ONU, pour les opérations de maintien de la paix, parce qu'il y avait eu l'euphorie de la fin de la guerre froide était sérieusement entamée, mais elle n'était pas détruite. Il y avait eu les triples désastres de la Yougoslavie, de la Somalie, du génocide rwandais. Mais malgré ces désastres, la décennie qui commence en l'an 2000 est une décennie qui est encore marquée par la confiance et l'optimisme. Et quand on regarde la manière dont on voit les choses aujourd'hui et quand on les voyait il y a 18 ans, vraiment il y a un abîme. Il y avait encore une confiance dans la capacité de ce qu'on appelait encore sans embarras la communauté internationale à intervenir dans la vie des autres et à la changer en mieux. Et cette distance entre ceux qui agissent et ceux sur lesquels on agit, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal réfléchi et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et donc pendant 8 ans, j'ai dirigé les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Je crois que personne n'est resté aussi longtemps dans ce poste, c'était sans doute un peu trop d'obstination de ma part. Et au fond, la croissance des opérations de maintien de la paix pendant cette période a reflété l'optimisme de l'époque, puisque quand je suis arrivé, elles étaient quelques dizaines de milliers. Les casques bleus étaient quelques dizaines de milliers. Et quand je suis parti, ils étaient plus de 100 000. Et ils se maintiennent encore aujourd'hui à un niveau qui doit être de cet ordre. Je devrais peut-être dire quelques mots du maintien de la paix, parce que c'est l'activité de l'ONU qui est à la fois la plus visible et la plus mal comprise. On imagine souvent que les casques bleus sont comme une sorte de force de police mondiale chargée de rétablir l'ordre dans les recoins malfamés de la planète. Et c'est une comparaison qui n'a en réalité aucun sens, car il n'y a pas une seule mission de maintien de la paix où le rapport du nombre de casques bleus à la population approche même de loin le rapport du nombre de policiers à la population dans les pays en paix, où pourtant, par construction, on peut penser que les besoins du maintien de l'ordre sont a priori moindres. Ils sont moindres que dans un pays où on vient de s'étriper dans une guerre civile. Pour prendre une comparaison, dans la ville de New York où j'habite, il y a plus de 37 000 policiers, et c'est une ville de 8,5 millions d'habitants. Et c'est une ville relativement sûre maintenant, après avoir été assez peu pendant des années, enfin relativement sûre aujourd'hui, mais il faut quand même 37 000 policiers. En République démocratique du Congo, qui est un pays de, on ne sait pas très bien quelle est la population, mais certainement plus de 80 millions d'habitants aujourd'hui, donc peut-être 10 fois plus que New York, il y a 18 000 militaires et policiers des Nations Unies. Et je prends le ratio à la population, on pourrait prendre le ratio au territoire, mais c'est le ratio à la population qui est le rapport à la population qui est le plus pertinent. Alors que ces 18 000 militaires et policiers, ils échouent souvent de façon lamentable, et ils sont critiqués pour cela. Mais le miracle, c'est que de temps en temps, des forces finalement très modestes puissent avoir un réel impact. Et j'insiste là-dessus parce que dans le maintien de la paix, finalement, on voit d'abord le matériel, on voit les troupes, on voit ce qui est concret, ce qu'on peut toucher. Mais en réalité, le maintien de la paix, c'est une activité éminemment politique où la force militaire n'est qu'une composante et souvent pas la plus importante. Et ça amène à réfléchir, au fond, sur ce qui fait tenir une société ensemble. Hein. Quelle est la stratégie politique de stabilisation d'un pays par des tiers, par des acteurs extérieurs au pays qui a subi la guerre? Et, vous savez, les médecins finissent toujours par penser que la santé est un état anormal. Quand on travaille dans des sociétés qui ont été brisées, on prend très vite conscience de la précarité, au fond, des sociétés. Que tout le tissu des liens humains qui permet à une société de vivre ensemble est un tissu très, très fragile. Et En écoutant le cours d'Antoine Compagnon, je pensais à ces hommes du 19e siècle, et un peu, surtout quelqu'un comme Chateaubriand, qui est né dans l'Ancien Régime, qui a connu les dernières lumières de l'Ancien Régime. Au fond, cet immense traumatisme de la Révolution française, des guerres de l'Empire, de pratiquement, oui, de 25 années d'instabilité. Je pense que les hommes du 19e siècle, sans doute, enfin je parle sous le contrôle d'Antoine Compagnon, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, j'aurais dû être un spécialiste, mais je ne le suis pas devenu. Je crois que les hommes du 19e siècle, certainement, avaient beaucoup plus conscience de cette fragilité des sociétés. Nous, nous sommes finalement, d'une certaine manière, tous nés avec des cuillères en argent. Nous vivons dans des pays relativement stables, et pour la France, même après avoir accumulé les révolutions pendant deux siècles, finalement depuis 1958, n'ayant pas bougé ses institutions, ça doit être la plus longue période. La Troisième République, c'est vrai. 1870-1940. Oui, on approche. On approche. mais on s'est habitué à cette stabilité, à considérer comme une donnée, finalement, qu'il y a des institutions, qu'il y a un pays, et que, bien sûr, il se passe, il y a des changements politiques, que les fondements ne sont pas remis en cause. Et dans le métier que j'ai fait, j'ai eu beaucoup plus la conscience, et quand je faisais le grand écart entre New York, une ville riche, prospère, stable, et puis la misère de Haïti ou du Congo, ou tous ces pays où on a déployé des missions de maintien de la paix, je faisais une sorte de grand écart psychologique entre la prospérité stable et un peu suffisante des pays qui échappent à ces questions au fond existentielles, et puis ceux qui ont eu la malchance de perdre cette stabilité. Je crois que ça fait réfléchir, parce qu'on se rend compte à ce moment-là que finalement la force, les policiers, les gendarmes, ils n'interviennent jamais qu'à la marge. Si c'était seulement la peur du gendarme qui assurait l'ordre dans un pays, il faudrait beaucoup plus de gendarmes. La plupart des citoyens respectent la loi parce qu'ils pensent que la loi n'est pas parfaite, mais il vaut mieux la respecter, c'est dans l'ordre des choses. Mais dans un pays où cet instinct n'est pas là, reconstituer la confiance, le respect pour une loi, pour un ordre, est quelque chose d'extraordinairement difficile. C'est pour ça que je pense que cette idée que les casques bleus sont une force de maintien de l'ordre est absurde, parce que dans un pays comme la République démocratique du Congo, ou Haïti, ou Libéria, ou multitude d'endroits, ou le Sud-Soudan, où j'ai traîné mes guêtres de civils, il n'y a pas de respect pour cet ordre. Tout est à construire. Quand vous voyez un policier ou un soldat de l'autre côté de la rue, vous ne le voyez pas comme une garantie, une réassurance. Si vous êtes inquiet, vous le voyez éventuellement plutôt comme une menace. Ceci met la politique, mais la politique en un sens très premier. Ce politique, bon, c'est la cité, c'est l'idée d'une communauté politique au départ petite, la cité, et puis qui s'est élargie aux États-nations. Cette construction, elle est à faire à partir de zéro, évidemment. Pas de zéro, mais d'une situation très, très dégradée. Et ça pose toutes sortes de questions dans le monde qui est le nôtre, parce que en Europe aujourd'hui, nous voyons les méfaits du nationalisme. Mais il y a quelques années, j'ai dirigé la réparation du livre blanc pour la défense et la sécurité nationale en France en 2013. Et à un moment, j'avais écrit, il y a des cas où le nationalisme peut être une bonne chose. Et on m'a fait corriger en disant, non, on peut dire patriotisme, nationalisme, c'est très mal. Mais Je l'avais écrit en pensant au pays que j'avais observé, où il faut un peu plus que le patriotisme, parce que dans un monde globalisé, si vous êtes un riche Congolais, ou un riche Haïtien, ou un riche Somalien, vous êtes débrouillé, vous avez 2-3 passeports. Alors, les années de beau temps, vous êtes peut-être prêt à vivre dans votre, à revenir dans votre pays et à y apporter une contribution. Mais comment allez-vous payer les études de vos enfants ? Il faut les payer à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de bonne université sur place. Comment allez-vous assurer l'avenir de votre famille ? Si vous êtes payé à des niveaux qui ne permettraient même pas de payer un mois de scolarité dans une université américaine, et vous n'auriez pas le visa pour venir en Europe, éventuellement. Et donc, si vous n'avez pas chevillé au corps l'idée que votre pays est ce qui compte plus que toute autre chose, c'est très difficile. Et tous ces pays... dont je me suis occupé, ils sont un peu dans cette situation-là. Alors, je concède que le mot nationalisme était sans doute un mot trop fort, mais néanmoins, on voit bien que la nécessité dans ces pays de créer une volonté commune de réussite qui souvent n'y est pas, surtout dans un moment historique où c'est l'individu qui triomphe beaucoup plus que le collectif. Alors, on se plaint dans nos pays de cela, mais il y a toutes sortes de forces de rappel qui permettent de trouver un équilibre entre, l'ambition individuelle et l'ambition collective. Et ça, au fond, c'est un thème assez proche des discussions sur le 19e siècle. On se plaint de cela, mais dans des pays où les fondations se sont effritées ou n'ont jamais existé, parce que la légitimité de la lutte contre le colonisateur, par exemple, s'est dissipée après des décennies. On peut plus simplement arguer de cette lutte. Mugabe au Zimbabwe, c'était longtemps que sa légitimité comme symbole de la lutte contre le colonisateur, elle s'était un peu usée. Kabila, lui, est d'une autre génération. En République démocratique du Congo, il ne peut pas se targuer d'avoir cette battue pour l'indépendance du Congo contre les Belges depuis les années 60. C'est pas Patrice Lumumba. Tous ces pays n'ont pas les fondements de la légitimité. Ne sont pas là. Et l'expérience de nos propres pays, la légitimité des pays européens, elle s'est construite par la guerre pendant des siècles. Et donc, ce que nous prenons comme un acquis, on ne peut pas souhaiter la répétition de cette histoire ensanglantée aux pays en développement qu'on qualifie de façon un peu hautaine de pays fragiles. Ils sont pris dans la force des choses qui est beaucoup plus puissante que tout ce qu'eux-mêmes individuellement peuvent faire. Je vois en ce moment la France s'intéresse beaucoup, pour des raisons évidentes, au Sahel. Et on voit bien que d'un côté, tous ces pays où les frontières sont vraiment des lignes dans le sable, au sens propre, doivent coopérer ensemble s'ils veulent régler les problèmes qui les affectent. Mais en même temps, si les briques de cet ensemble n'ont pas un fort sens patriotique, ils n'y arriveront pas. On ne peut pas bâtir des institutions multinationales s'il n'y a pas de nation derrière. Et donc, il y a là des problèmes que je n'avais pas du tout mesurés quand j'écrivais mon petit livre sur la fin de la démocratie, où je me disais qu'au fond c'était très bien de dépasser l'État-nation, je le pense toujours, mais je vois bien comment on peut avoir besoin de s'accrocher à cela pour permettre à une société de se consolider, et que c'est un peu un luxe de riche de dire qu'on peut dépasser tout cela. Et ça, c'est quelque chose dont je suis reconnaissant à cette expérience du maintien de la paix, c'est de m'avoir ouvert à un monde qui était très différent de celui dans lequel j'avais grandi. Donc voilà peut-être un premier point. Un deuxième point sur lequel je devrais peut-être parler, c'est mon regard sur la guerre et les responsabilités que j'ai eues dans le commandement. Je ne suis pas un militaire, mais les militaires obéissent aux civils, et dans le maintien de la paix, j'avais un conseiller militaire, mais en fin de compte, j'étais le responsable ultime. Et donc, je n'ai pas assisté à la leçon au séminaire avec Florence Aubenas, ni à celui avec Jean-Christophe Ruffin, mais j'ai regardé sur l'Internet ces deux leçons, et je vois bien que ma position a été différente, parce que j'ai été, d'une certaine manière, moi, un acteur de la guerre. Alors, évidemment, pour essayer de les arrêter, ces guerres, pour sauver des vies, mais dans ce type d'activité, on peut aussi conduire à la mort, on peut décider d'actions qui entraîneront la mort de certains de ceux qui sont engagés dans ces actions. Et donc le brouillard de la guerre dont parle Clausewitz, et qui a inspiré le titre d'un bouquin que j'ai pu lire récemment, que j'ai honte d'avoir écrit en anglais parce que je voulais surtout toucher le public, qui s'appelle The Fog of Peace, le brouillard de la paix, il faudrait que je le traduise moi-même en français un jour. J'ai expérimenté et le brouillard de la guerre et le brouillard de la paix au niveau stratégique dans le commandement des opérations à New York. Et je vous parlais tout à l'heure du grand écart, au fond, que je faisais entre New York avec la vie à New York, et puis aussi les calculs diplomatiques, le jeu entre nations qui se joue en conseil de sécurité, où on est dans un ordre extraordinairement traditionnel, un ordre interétatique. L'ONU, c'est une organisation d'État, c'est pas une ONG. C'est une organisation qui vit sur la légitimité des États, et le conseil de sécurité est l'essence de cette logique interétatique. Donc il y avait ce pôle des intérêts des États, il y avait la vie à New York, infiniment différente du Congo, de Haïti, de tous les endroits difficiles où sont déployées des missions de maintien de la paix. Comment réconcilier ces trois pôles et comment assurer le commandement? Comment est-ce qu'on prend le risque de sacrifier des vies, la vie des autres? Mon père a écrit un livre sur son expérience de la Première Guerre mondiale qu'il a appelé « la mort des autres ». Parce que si on peut pas la guerre, c'est la mort des autres avant d'être sa propre mort. Sa propre mort, on ne la pense pas. Le commandement, c'est quand on est au niveau stratégique, quand on est, c'est la vie des autres. C'est pas la sienne qui est en jeu. Je vais expliquer comment c'est la vie des autres à un double niveau. Et pour ça, je vais peut-être vous donner un petit exemple pour faire sentir au fond ce que sont les dilemmes, les difficultés du commandement. Le Kosovo arrivait dans une phase un peu critique de son processus d'indépendance au printemps 2008, et la situation était politiquement bloquée. Elle était bloquée parce que il y avait des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui voulaient faire passer, en quelque sorte, l'indépendance du Kosovo en force, au risque d'une impasse complète au Conseil de sécurité, où la Russie était évidemment déterminée à bloquer, et au risque aussi d'une scission sanglante du Kosovo, parce qu'il se trouve qu'au Kosovo, il y a des enclaves serbes, mais il y a aussi au nord du Kosovo, au nord de la ville de Mitrovica, séparée par une rivière, il y a une partie du Kosovo qui est nettement serbe, avec quelques Albanais dans cette partie, mais enfin essentiellement serbe, et qui est contiguë avec la Serbie. Donc, c'est plus facile de rejoindre la Serbie quand on est contiguë avec elle que si on est dans les enclaves. Et donc les Serbes du nord Kosovo, Mitrovica est la zone qui se trouve au nord, étaient également déterminés dans leur opposition. Nous avons réfléchi aux Nations Unies à cette situation, et pensant au cardinal de Retz, j'étais convaincu que l'ambiguïté était, dans la situation qui prévalait, la meilleure option, parce qu'elle préservait l'avenir. Et donc, je disais à la mission, temporiser. Les Serbes avaient occupé un tribunal, un Mitrovica, des choses comme ça. J'ai temporisé, parce que si on emploie la manière forte, on va avoir des incidents difficiles. Et ceci déplaisait profondément au pays qui voulait pousser rapidement. Pour ça, je parle du pôle du Conseil de sécurité par rapport aux réalités du terrain. Et donc, finalement, parce qu'on m'accusait de micro-gérer, en quelque sorte, cette mission, j'ai dit au responsable de la mission, représentant spécial du secrétaire général, comme on dit dans le jargon des Nations Unies, j'ai dit, écoutez, moi, je pense que vous feriez mieux de temporiser, mais vous êtes sur le terrain, c'est à vous de décider. Et donc, vous prendrez vos responsabilités. Ce qui fut immédiatement fait, parce que c'est ce qu'attendait, c'est ce qu'il attendait, c'est pour ça que j'avais eu des pressions sur moi. Et donc, une opération a été lancée le lendemain à Mitrovica, et un pauvre policier de l'ONU a été tué par un sniper, par balle, et il est apparu très clairement que si on continuait dans cette voie, ce ne serait pas un, ce serait beaucoup plus. Et donc, les pays qui poussaient à la manière forte, du coup, ont réduit leurs ambitions, et l'ambiguïté a été tolérée. Et je crois, rétrospectivement, 10 ans plus tard, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, le Kosovo, ce n'est pas le pays le plus prospère d'Europe, mais enfin, l'ONU a pu, en réalité, n'est plus qu'une coquille vide au Kosovo, la Russie a toléré ce qui se passait, il n'y a pas eu de scission formelle du Kosovo, beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés, mais on est dans l'ambiguïté, on n'insulte pas l'avenir. En même temps, je ne peux m'empêcher de penser à... J'ai jamais vu la famille de celui qui a été tué, mais évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un homme qui est mort, dont la mort aurait pu être évitée. C'est une démonstration qui a été faite des limites de la force, des dangers de la force dans cette situation particulière, et qui aurait pu être évité. Et ça, c'est dans le commandement, c'est quelque chose auquel on doit faire face. J'écoutais il y a quelques mois une interview du chef d'état-major actuel des armées françaises. Alors lui, il a été capitaine. il a repris, je crois que c'est une infanterie de marine, enfin peu importe, avec sa section, un pont pour la guerre de Bosnie. Il a eu un ou deux camarades qui ont été tués, et lui-même, à ce moment-là, prenait un risque personnel. Il était avec ses hommes. Moi, j'étais à New York. Mon risque, c'était de me faire écraser par un autobus à New York. J'étais en parfaite sécurité. C'est pas la même chose. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut voir une deuxième dimension de cette distance, au fond. C'est que le brouillard que je viens d'évoquer, celui, au fond, qui empêche de voir toutes les données d'une situation tactique, de voir les implications d'un ordre ou d'une absence d'ordre, en l'occurrence, ça n'est pas le plus opaque. Au fond, ça, c'est ce brouillard, c'est celui... De Fabrice sur le champ de bataille de Waterloo. On est pris dans la confusion de quelque chose qui vous dépasse. Et c'est un brouillard que la technologie moderne a tendance à dissiper. Je suis sûr que vous avez tous vu la photographie où on voyait le président Obama regardant en direct l'assaut contre Bin Laden. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux, parce que ça veut dire que les stratèges, les grands chefs stratégiques s'imaginent que maintenant ils sont sur le terrain comme s'ils étaient le capitaine qui prend d'assaut le pont. Mais ils n'ont pas, il leur manque une... C'est pas la même chose. Ils ont l'illusion de cela, mais eux, ils ne risquent pas de recevoir une balle dans un, dans un bureau de la Maison Blanche ou du état-major des armées à Paris ou de l'Élysée. Et donc aujourd'hui, on voit bien, et ça je l'ai vu, alors les Nations Unies sont moins bien équipées, alors on voit pas, il n'y a pas ce genre de situation, elles sont en retard. Mais on voit bien qu'il y a une évolution de la technologie qui donne l'illusion de la proximité et qui donne une certaine hubris, en quelque sorte, au commandement stratégique, qu'il est là à tout voir et donc à tout pouvoir décider. Et ça, c'est extraordinairement dangereux. Mais je crois qu'il y a un autre brouillard qui, lui, est de nature stratégique et qui est au cœur de nos dilemmes contemporains. Et je pense que c'est celui qui est le plus important de comprendre. Parce qu'au fond, c'est celui qui est au cœur de toute la... du mensonge, au fond, de la communauté internationale, de l'expression communauté internationale. Ce brouillard, c'est celui qui entoure la question de l'intervention extérieure. Et là aussi, peut-être, je vais commencer par un exemple pour faire sentir les difficultés du commandement et le brouillard qui les entoure. C'est l'expérience que j'ai eue en République démocratique du Congo, en 2003. En 2003, il y avait dans le coin nord-est de la République démocratique du Congo, ce qu'on appelle le district d'Ituri, le risque de très grands massacres. Le Rwanda s'était retiré de l'est du pays à la fin de 2002 et l'Ouganda rechignait à faire de même en Ituri. Le tout sur fond de tensions ethniques entre des tribus qui sont les Emma et les Lendu, qu'on peut grossièrement comparer aux Tutsi et aux Hutu. Tutsi et Hutu, on les voit au Rwanda et au Burundi. Et ces tensions étaient d'autant plus dangereuses qu'elles étaient manipulées par des acteurs extérieurs, comme c'est le cas dans beaucoup de conflits, je reviendrai sur ce point plus tard. À l'époque, en République démocratique du Congo, il devait y avoir 4500 ou 5000 hommes pour tout le pays. Tout à l'heure, je vous ai dit, maintenant, il y en a 18 000. Il y en avait 4 ou 5 000, donc vous imaginez, chiffre dérisoire. Et il y avait, surtout, il n'y avait aucune troupe de l'ONU dans cette partie de la RDC. Il y avait quelques officiers, des observateurs militaires, comme on les appelle, c'est-à-dire des officiers qui ne sont même pas armés, qui n'ont même pas, qui simplement observent la situation comme leur nom l'indique. Le représentant de l'ONU sur place, c'était un Camerounais très courageux dont le passé était un passé d'activiste humanitaire. Il avait travaillé pour le programme alimentaire mondial et donc il était très sensible aux menaces sur les populations civiles. Et donc il me suppliait tous les jours de déployer des troupes pour protéger ces populations. Il y avait déjà eu quelques massacres, mais on voyait que ça pouvait devenir bien pire. Et finalement, j'ai pris la décision très risquée de déployer un bataillon, c'est-à-dire 600-700 hommes, dans la capitale du district, à Bounia. Vous voyez, 600-700 hommes, c'est pas beaucoup. La moindre manifestation à Paris, il y a des centaines de CRS ou de gendarmes mobiles. C'est dérisoire. Et puis, c'était 600-700 hommes qui n'avaient pas d'expérience particulière de ce genre de situation. C'était une décision extraordinairement risquée, parce que, bien évidemment, un bataillon de casques bleus ne pouvait évidemment pas retourner à lui seul la situation. Et donc, quel était le risque ? C'était que des populations civiles terrorisées, brusquement, avaient une espérance. Elle voyait des soldats, elle n'est pas des spécialistes de ce qui peut se faire avec... elle voyait des soldats avec des fusils, quelques véhicules blindés, elle se disait, ça y est, maintenant on est sauvés, on est tranquille. Et donc je suis allé voir d'ailleurs, un tout petit peu plus tard, la capitale du district du Touri, cette ville de Bounia, et il y avait, à côté de la piste de l'aéroport, la petite piste de l'aéroport, et puis une petite base de l'ONU qui s'était installée dans la ville, il y avait des milliers de Congolais terrorisés qui s'étaient mis le plus près possible du camp pour trouver la sécurité. Alors, de temps en temps, ils recevaient quelques obus de mortier et une dizaine mouraient, mais ils se sentaient quand même plus en sécurité près des forces de l'ONU. Et donc le scénario catastrophe auquel on pouvait être confronté, c'était une sorte de variante africaine de Srebrenica, c'est-à-dire l'illusion d'une promesse de sécurité donnée par les Nations Unies, qui évidemment donc se traduirait concentration de civils, donc concentration possible de massacres, et puis le discrédit global sur le maintien de la paix, qui n'avait pas besoin de cela, qui nuirait à toute possibilité d'action dans d'autres endroits, tout à fait en dehors du Congo. Ça, c'était le scénario catastrophe. Et c'est un scénario tout à fait possible. C'est Machiavel qui parle de la fortune quand il parle du conseiller du prince, et le conseiller du prince doit prendre en jeu la fortune, le hasard. Et il doit avoir conscience que le prince ne suivra pas toujours ses conseils, parce que le conseiller, lui, il agit rationnellement, mais il y a un élément qui lui échappe, qui est la contingence, la fortune. Et le prince, lui, doit prendre en compte la fortune. Il doit à un moment jeter les dés. Là, pour le coup, j'étais une sorte de petit prince, et j'ai jeté les dés, j'ai pris ce risque. Et heureusement, le scénario du pire a été évité, c'est-à-dire que le pari consistant à créer un abcès de fixation qui attirait l'attention des médias, la presse internationale est arrivée, a été gagné. Kofi Annan, à ce moment-là, a pu convaincre la France de fournir le noyau, enfin, plus que le noyau, l'essentiel d'une force expéditionnaire sous pavillon européen, qui a arrêté la spirale de la violence. Cette force n'était pas énorme, mais il y a aussi le prestige et puis la psychologique d'une force européenne dans un pays où les milices, c'est des gens assez... qui n'étaient pas, c'est pas les grands chefs militaires. Et donc la dynamique, la spirale de violence a été arrêtée, ce qui a donné le temps à l'ONU, au Conseil de sécurité d'autoriser un renforcement, à des troupes de se déployer, et donc la possibilité très réelle d'un génocide dans ce recoin du Congo a été évitée. Donc c'est une histoire qui se termine d'une certaine façon bien. Enfin oui, pas d'une certaine façon, qui se termine bien, même si en même temps, rien n'est terminé, parce que rien sur le fond n'est réglé. La satisfaction d'avoir probablement sauvé pas mal de vies humaines, mais en même temps, les problèmes de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, ils sont toujours là. Et la possibilité de grande violence dans la situation présente du Congo, bon, sur laquelle on pourrait s'étendre, mais enfin, c'est un autre sujet, elle est toujours là. Mais à un moment donné, on a sauvé des vies en jouant avec la fortune, avec des risques considérables. Et c'est un moment tactique. Mais cette petite histoire, elle illustre, donc à partir d'un recoin de ce vaste pays, un dilemme, au fond, beaucoup plus profond des interventions internationales de l'Afghanistan, je dirais, à la Libye. Mobiliser la communauté internationale, donc cette expression... Qui est très trompeuse, est une entreprise éminemment hasardeuse. Parce que j'aurais très bien pu ne pas réussir à trouver les forces nécessaires. Et quand on travaille pour l'ONU, évidemment, tout le jeu consiste à s'efforcer de mobiliser des intérêts nationaux, qui sont souvent étroits, pour servir le bien commun. C'est de les canaliser habilement, c'est la diplomatie, pour servir le bien commun. Mais ces intérêts... et je pense que ce qui a été fait en 2003 serait tout à fait impossible aujourd'hui, en 2018. Ces intérêts, ils sont de plus en plus divergents, voire opposés. Et surtout, il est rare qu'ils puissent être mobilisés dans la durée. Les États, ils sont inconstants et impatients. Et donc, le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'un vrai aléa moral à intervenir dans la vie des autres sans avoir à subir les conséquences de ses actes. Et là, je ne parle pas seulement du commandant au niveau stratégique qui ne risque pas sa vie en prenant un pont en Bosnie, mais de façon plus générale. Vous vous lancez en Afghanistan, vous vous lancez en Libye, ça n'est pas votre vie demain qui sera engagée. Et donc, si l'affaire tourne mal ou si on se lasse, Parce que bâtir revient à ce que je disais tout à l'heure, essayer de consolider un pays, ça ne se fait pas en 8 jours, ni même en 1 an, ni même en 8 ans. Le rythme de la politique internationale n'est pas ce rythme-là. Et donc il y a un profond aléa moral. Et dans le bouquin que j'ai écrit sur le maintien de la paix, The Fog of Peace, je cite un très beau vers de Shakespeare qui sont dans Richard III, sont prononcés par le duc de Gloucester, qui dit « As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport ». On peut traduire comme les mouches victimes de la cruauté gratuite des garçons, nous sommes les victimes des dieux qui nous tuent pour leur plaisir. Cette citation est un peu excessive, parce que quand nous n'intervenons pas pour tuer pour le plaisir, nous intervenons pour sauver des vies. Mais ce que Shakespeare exprime magnifiquement dans ses vers, c'est au fond la légèreté de la communauté internationale et des grandes puissances en particulier, leur distance par rapport aux actions qu'elles lancent, qui est comparable à la distance qui sépare les dieux de l'Olympe, qui regardent l'agitation humaine, qui l'observent de très haut. Et cette distance-là, moi je l'ai ressentie très, très souvent, c'est-à-dire que cette distance, elle est aussi quelquefois, s'y ajoute la dimension du cynisme, quand il faut satisfaire à bon compte des opinions nationales, et donc on lance des slogans pour faire plaisir à une opinion qui veut qu'on fasse quelque chose, et donc on fait quelque chose pendant quelques mois ou quelques années, et puis une fois que l'opinion se désintéresse de la situation, on laisse tomber. Et ça, c'est le vrai dilemme de l'intervention extérieure, et c'est au cœur, au fond, du monde inachevé dans lequel on est, d'un monde où il n'y a pas de communauté internationale. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ceci correspond à des sentiments très humains. Si quelqu'un de votre famille meurt, vous êtes plus touché que si c'est quelqu'un de votre ville. S'il y a un désastre dans votre ville, vous êtes plus frappé que si c'est un désastre dans un autre pays. La géographie compte encore et la proximité compte dans les sentiments humains. Donc d'une certaine manière, on ne peut pas dire « Oh, c'est affreux ce monde qui ne se mobilise pas pour le Congo comme il se mobilise, comme les Français se mobilisent s'il y a un attentat à Paris ». C'est humain. C'est la nature, c'est dans la nature des choses d'une certaine manière. Mais la rhétorique politique ne reconnaît pas cette différence. Mais la réalité des actions politiques, elle la reconnaît tout à fait, et la prend tout à fait en compte. Et quand on sert les Nations Unies, évidemment, on doit servir cette abstraction qu'est la communauté internationale. Donc on ne doit pas faire cette distance. Une vie congolaise vaut autant qu'une vie française, américaine, n'importe quel pays. C'est ça la règle du jeu, si je puis dire, d'un fonctionnaire international. Mais cette règle du jeu, elle ne correspond pas à la réalité politique du monde tel qu'il est. Et ceci m'amène peut-être au dernier point que je voudrais traiter, qui est justement le brouillard de la paix. Je dis du brouillard de la guerre au brouillard de la paix, c'est-à-dire quelle est la paix que nous cherchons. Cette paix, la paix universelle de Kant, mais on est très loin pour toutes les raisons que j'évoquais. La guerre, elle est toujours l'image en creux de la paix. Elle est le reflet de chaque société. Il y a un très beau livre d'un grand historien britannique, Michael Howard, qui a écrit un livre qui a été traduit en français. Le titre, c'est « La guerre dans l'histoire de l'Occident ». Ça a été publié chez Fayard. Et ça décrit l'évolution de la guerre de l'âge des chevaliers à l'âge nucléaire. Et ça montre très bien comment, au fond, chaque type de société, société des chevaliers, société de l'âge nucléaire, société de la révolution, les guerres de masse, etc. Chaque société produit un certain type de guerre. Et je pense que maintenant, il faudrait écrire un nouveau chapitre après le chapitre sur l'âge nucléaire. Encore, l'âge nucléaire n'est pas fermé, on le voit avec la Corée, mais il y a un autre chapitre qui s'est ouvert en même temps, qui est la guerre dans l'âge transnational qui est le nôtre. On a coutume d'opposer la guerre froide, marquée par des conflits internationaux, à l'après-guerre froide, caractérisée par des conflits infranationaux, par des guerres civiles. Cette classification a peut-être été pertinente pendant un bref moment. Et elle correspond bien à l'esprit, à l'idéologie qui a inspiré le maintien de la paix depuis 1990, consolidée dans des frontières existantes par des interventions extérieures, des États, comme je disais tout à l'heure, dits fragiles. Mais elle ne correspond plus du tout, au fond, à une époque où les acteurs nationaux, régionaux, globaux et transnationaux, et j'insiste sur le dernier point, interagissent entre eux. Et donc la violence contemporaine est à l'image de cette confusion. Et cette confusion, elle se reflète dans le langage et la rhétorique politique. Quand on entend des dirigeants politiques qui disent « nous sommes en guerre », comme si un attentat, si barbare soit-il, pouvait se comparer aux destructions de Dresde, de Grozny ou d'Alep. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même niveau de violence et d'impact sur une société. Et je crois que, je terminerai là-dessus, je pense qu'il y a trois changements essentiels qui marquent au fond les conflits contemporains. La redéfinition de ce qu'on pourrait appeler les buts de guerre. Parce que de plus en plus souvent, il ne s'agit pas de conquérir le pouvoir, mais de perpétuer son affaiblissement, de le dissoudre progressivement. Au fond, le but de la guerre n'est plus la paix. Et ça, c'est un changement assez profond. En général, les pays, quand ils déclarent la guerre, ils espéraient la gagner pour avoir une nouvelle paix qui leur serait favorable. Et ce changement exprime, à mon avis, ce qui est la deuxième transformation profonde, c'est-à-dire la crise de la politique, qui a besoin, au fond, de la clarté des États-nations pour fonctionner. Et cette crise de la politique, elle reflète elle-même la disparition de la séparation entre crime et politique. Dans beaucoup des conflits que j'ai pu observer, on voit qu'il y a des affaires de programme politique. Et plus un conflit dure, plus il se criminalise, en quelque sorte. Il y a une économie de la guerre qui se consolide. Parce qu'on voit que la guerre totale, elle est mauvaise pour les affaires, mais la paix est mauvaise pour certaines affaires. De plus en plus, on voit des situations où pérenniser une violence à relativement bas niveau est l'objectif. La paix n'est pas le but de la guerre. Une certaine confusion de la société est l'objectif. Parce qu'il n'y a plus de programme politique. Et on le voit dans la politique aujourd'hui, les personnes ne sont plus élues sur des programmes, elles sont élues sur une équation personnelle. Et le troisième changement, c'est du coup le brouillage, et c'est peut-être la chose la plus importante, et je pense que ça aura un impact sur la littérature qui nous expliquera ce monde. C'est le brouillage et la séparation entre paix et guerre, dans le temps et dans l'espace. Ça a des conséquences sociopolitiques, des conséquences psychologiques, des conséquences juridiques. Les conséquences juridiques, c'est les plus simples à analyser, même si la solution est la plus compliquée. On voit qu'avant, on déclarait la guerre. Quand on pense à tous les affiches dont tant d'écrivains ont parlé pour quand la guerre de 14 a été déclarée aujourd'hui, on passe de la paix à la guerre sans s'en apercevoir. Et du coup, les questions, et la Croix-Rouge se pose beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. La guerre, c'est la situation où on a le droit de tuer quelqu'un, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. On a le droit de tuer un soldat ennemi, même s'il ne vous a rien fait, parce que c'est un soldat ennemi. Donc c'est une révolution dans l'ordre du droit, la guerre. Il faut que ce soit proportionnel, il y a toute une série de règles. On ne peut pas dire que la guerre, c'est l'abandon de la loi. Il y a un droit de la guerre. Mais on voit que c'est un bouleversement. Aujourd'hui, ce bouleversement, il se fait de façon insensible. On voit toutes les questions des gens qui sont assassinés par des drones, sans procédure judiciaire, avec une individualisation de la guerre qui brouille la justice et la guerre. Ça a des conséquences sociopolitiques, parce qu'au fond, on vit dans un permanent état où la question est celle de la cohésion d'une société qui se défait. Et ça a des conséquences aussi sur la coexistence d'espaces non gouvernés et d'espaces gouvernés, parce qu'on avait l'habitude de dire il y a les pays en guerre et les pays en paix. Aujourd'hui, vous avez des pays qui sont en partie en paix, en partie en guerre. Quand vous allez dans certaines villes d'Amérique centrale, Vous êtes dans une situation qu'on pourrait qualifier de guerre, avec des chiffres de victimes qui sont tout à fait comparables aux chiffres de la guerre traditionnelle. Je crois que quand même la guerre aujourd'hui est différente, parce que j'étais frappé dans la conférence d'Obnas quand elle parle justement du côté médiatique, prise d'otages, ça que chacun devient, parce que c'est une guerre qui se joue au fond dans la communication. Et le terrorisme, évidemment, c'est tout à fait cela, parce que sur le plan pratique, l'impact sur un pays, en réalité, s'il n'y a pas la communication, c'est marginal comme impact. C'est tragique pour les familles des victimes, mais c'est marginal sur un plan froidement stratégique. Donc c'est la reconnaissance que la cible, désormais, c'est la cohésion d'une société. Ça n'est pas un pouvoir politique au centre de cette société. Donc je pense qu'en ce sens, la guerre, quand même, est en train de changer assez profondément. Oui, parce qu'elle est menée par des petites actions au lieu d'actions de masse. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il me semble que si on prend la guerre de 30 ans, la guerre de 30 ans est ponctuée d'épisodes d'accalmie, ce que je veux dire. Oui. La guerre n'est... Et c'est intéressant que vous fassiez référence à la guerre de 30 ans, parce que justement, la guerre de 30 ans, au fond, elle conclut une longue période où la question de la légitimité des États, qui a été ouverte par la Renaissance, par le protestantisme, la question de la légitimité des États est posée. Et au fond, aujourd'hui, on est d'une certaine manière dans une seconde Renaissance. C'est-à-dire la question de la légitimité des fondements des États est posée, et peut-être qu'on va, du coup, après toutes les années de violence, des guerres de religion, puis la guerre de 30 ans, on s'est dit que finalement, les États, ça avait du bon. Et bon, on est C'est le traité de Westphalie. Voilà. On est sorti de ça. L'ordre Westphalie. Et là, peut-être qu'on va revenir à ça. Peut-être qu'on va se dire, on a expérimenté la dissolution des États. C'est extraordinairement dangereux. C'est une source de violence sans fin. Oui. Il faut revenir à des États. Je crois qu'en même temps, c'est impossible à cause des phénomènes transnationaux qui perturbent le monde beaucoup plus que ça n'était le cas. Et donc, je crois que cette transformation de la guerre reflète une transformation de la paix et de nos sociétés dont on n'a pas commencé de mesurer les conséquences, y compris dans les émotions collectives et dans cette bataille entre l'individu et le collectif qui se livre depuis la Révolution française. Et au fond, je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Du Collège de France le 30 janvier 2018, vous venez d'écouter le séminaire d'Antoine Compagnon qui recevait Jean-Marie Guéhenno, aujourd'hui, du brouillard de la guerre au brouillard de la paix, la guerre au XXIe siècle. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours et le séminaire d'Antoine Compagnon. Je rappelle son dernier livre, Les chiffonniers de Paris, publié chez Gallimard en 2017. Jean-Marie Guéhenno a publié en anglais The Fog of Peace en 2015 à la Brookings. Un grand merci à Marie-Jeanne Huet et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, il sera question du droit et d'Europe en compagnie du juriste Alain Weisfels. Je vous propose de réécouter sa leçon inaugurale. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.